J'ai raté mon entretien d'embauche, j'ai raté mon permis de conduire, j'ai raté mon rendez-vous amoureux. Mais je suis sûr d'une chose, je ne raterai jamais British Connection, mon émission rock. Jamais. Ouais, c'est ça. Toi aussi, affirme ton côté rock en écoutant British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les autres radios. Salut à toutes et à tous, moi c'est Jean-Philippe Gonneau pour British Connection. Je suis l'auteur d'une biographie consacrée à Tête Raide, parue aux éditions Segers dans la collection Poésie et Chansons. J'ai écrit plusieurs romans aux éditions Raphaël de Surtis et un livre consacré à The Clash, édité par le Castor Astral, ainsi qu'une BD sur ce même groupe qui sera rééditée en novembre prochain aux éditions Petit à Petit. Et là, je suis venu vous parler du groupe Tête Raide. Nous sommes en 2022, enfin je crois, enfin peut-être. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes à l'âge du jetable, du cassable, du pourrissable, du fabriqué pour être acheté, consommé, puis très vite oublié. Nous traversons l'ère de l'éphémère et le groupe Tête Raide fête ses 40 ans et la sortie de Bing Bang Boom, son 15e album. 40 ans, 15 albums studio et l'Olympia le 20 novembre prochain. Alors c'est quoi ce groupe, cet ovni, cette comète, ce vaisseau fantôme qui a jamais vu la gueule d'une amarre et se joue de tous les ports et lieux d'attache, de tous les ancrages et de toutes les cages, vaisseau libre, indomptable. Alors c'est quoi le secret? C'est quoi la magie? C'est quoi la recette miracle pour exploser toutes les boussoles, les compas, les cadrans, les sextants? Comment on fait pour échapper aux corrosions des marées, des vagues et du temps? J'ai passé des mois et des mois avec eux sur la route. Scène et backstage, studio, enregistrement, mixage, les salles, les festivals, les jours, les nuits, les hôtels, partout avec eux. Et je n'ai pas la réponse. Mais la réponse, on s'en fout. Fou. Tête Raide, c'est là. Ça existe, ça vit, ça survit, ça meurt un peu et ça revit beaucoup. Avec toujours cette énergie. Cette énergie qui déborde, qui a envie, qui donne envie. C'est sur scène que ça chante, que ça danse, que ça crie, que ça bat les cœurs et aiguise l'esprit. C'est sur scène. Vas-y. Alors c'est quoi la magie? C'est quoi cette putain d'alchimie? On pourrait parler musique. C'est une bonne idée, ça, on pourrait parler musique. Mais si on parle musique, il faut parler de toutes les musiques, toutes. Rock, chanson, reggae, tango, punk, et puis on peut y passer la nuit. Faut inviter tout le monde, tous les styles, toutes les couleurs, toutes les partitions du monde et d'ailleurs. Et faut tout mélanger. On pourrait parler musique. On pourrait parler poésie aussi. Parce que la poésie, c'est un peu comme ce groupe à part. Ça ne se raconte pas, ça ne s'explique pas, ça se vibre. Comme ces silences, ces mots, ces rêves, ces yeux vendus au diable. J'avais déjà bu, je m'étais pas aperçu de mon ivresse. La mer était repue, une odeur impromptue remonte ta veste. À voir passer le genre et l'amour innocent entre deux caresses. Ce sera ton tour du premier amour. L'instant fibre de Madeleine, une douce claque. Les dieux sont des enfants à qui l'on donne tout, sauf notre âme. Je voudrais pas dire, mais les filles qui ont les yeux vendus au diable, c'est plus généreux que les promesses dans les cieux. Sourire, trop de bévues. Le visage pâle. La mère est repue vieille dans son lit. Elle remit son châle. On vivra un peu le temps que l'on veut. Entre deux caresses, on gardera toujours le premier amour. J'avais quatre mains, je n'avais que la gauche. J'ai tiré sur le destin. C'est parti sans un mot. Elle s'est couchée là sur le dos. '82-2022, British Connection, votre émission rock à 40 ans. Putain, tu les fais pas! Death Red n'appartient à aucune époque. Ce groupe s'est échappé, mène sa route au cœur des tempêtes ou sous le flot caressant d'une pluie de printemps. Échappé. Échappé des courants, des modes et de l'écran. Échappé du grand marché de la chanson cellophanée. Échappé. Une iditantée. Prototype aux 100 000 chemins. Un engagement, prendre son instrument, jouer là où on peut et surtout là où on ne peut pas. Défendre ses notes et ses mots contre toutes ces ombres et ces spectres qui planent et s'épaississent de plus en plus. Ces ombres et ces spectres qui viennent obscurcir nos joies, nos libertés, nos mélanges. Death Red. Je les ai vus jouer devant plusieurs milliers de personnes dans des festivals, des théâtres antiques, hantés, envoûtés, merveilleux. Je les ai vus jouer devant des foules immenses et s'arrêter le lendemain sur la route pour demander à un taulier ou une taulière la permission de jouer dans leur petit bistrot. Jouer là, là, juste comme ça, en acoustique et gratuit, bien sûr. Je les ai vus faire ça plein de fois. Je les ai vus. J'étais là, moi, monsieur. Je les ai vus faire ça avec la même force, la même foi et la même générosité que la veille devant 8 ou 10 000 personnes. L'authenticité. La sincérité, la proximité, tout ça doit faire partie de l'alchimie. Ouais, c'est sûr même, sûr. L'éveil, les consciences, garder les yeux ouverts, savoir dire et se lever quand c'est trop, quand les spectres et les ombres, quand les décrames aussi perdent le nord et mettent le cap au pire, quand les civili, civila perdent le là et posent des bombes à la coda, ou des scuds, ou des missiles solaires. Trouver les mots pour resserrer les liens, le social, le chaos. Trouver les mots. Et tu fais quoi, toi, dans ton quartier? J'ai prêté la Provence aux enfants de Berlin. Et tu fais quoi, toi, dans ton quartier? Moi, j'aimerais rire un peu, mais mon zigot m'a dit que, comme est sûr, des lèvres et toujours en grève, manque de pratique. Sur le quai des hirondelles, avec ma pauvre tenue noire, le boléon et ses bretelles, mettez bas le désespoir. Le soleil gâché dans le cœur de Berlin. Quel temps fait-il dans ton quartier? Il y a dans la grande rue de l'herbe dans les magasins, des demi-mots pour oublier l'écho des trains dans la nuit loin. Toutes ces croix qu'on a plantées où viennent s'écraser les oiseaux. On enterre la mémoire à 5 h ce soir. Alors on a prêté notre histoire aux enfants de Berlin. Mais de quelle couleur il est ton quartier? blanc, un poisson-chat dans l'océan. C'est un requin dans ma baignoire. Je balance Alger dans la Nordique, je me saoule à flot aux mes étoiles. Puis c'est Berlin dans l'Atlantique, quand ça balance de bas en haut. Quand j'ai le piano qui se fout en l'air, et j'ai les joues qui tombent à terre. Alors je reprends mon histoire et mes pleurs de gamin. Mais il est où mon quartier? Moi je voulais rire un peu, mais mon zigot m'a tiqué comme sur des lèvres et toujours en grève, manque de pratique. Moi je voulais rire un peu, mais mon zigot m'a tiqué comme sur des lèvres et toujours, toujours en grève, manque de pratique. Moi je voulais rire un peu, mais mon zigot m'a tiqué comme sur des lèvres. Et toujours, toujours en grève, manque de pratique. Je voulais rire plus fort, mais mon zigot est mort pour raison civique, antiseptique et chimique et mécanique dans la musique. Et mécanique dans la musique, et physique, systématique, et politique, démocratique, et chimique, et politique, et physique, dans la musique, systématique, et chimique, et politique. Clique des zigotos. Enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Bing, bang, boom, Ted Red, 2022, 40 ans. Un nouvel album et l'Olympia le 20 novembre prochain. Au fait, c'est quoi ce 15e album? C'est quoi? Bien, c'est eux. C'est tous les membres fondateurs, tous les musiciens des débuts qui se retrouvent pour distiller cette mécanique bancale, barrée, mais intacte, qui est la leur. Ces constructions, ces ritournelles, ces mélodies qui nourrissent le cœur de ce groupe inclassable. Ces mots parfois caressants et sensuels, parfois drôles ou surréels. Ces mots en feu, en forme de banderoles et de pavés. Ces mots en feu, l'écriture comme une flamme qui retrouve les joies de son premier brasier. Bing, bang, boom. La scène, proche des gens, hors du temps, mais pleinement dans l'instant. Regarde le monde. Viens, on le chante, viens, on le peint, viens, on le fabrique et refabrique, on le dessine, on le sculpte. faut redonner vie à la vie. Des vieux objets, des affiches, des pochettes d'albums, des morceaux de bois ou de tôle rouillés, enfantés ou ressuscités par les fidèles chapelets. Regarde le monde, viens, viens, on le chante, viens, on le transe, même si c'est sur ses cendres. Il y a des étoiles, il y a même un soleil qui sait chauffer les nuits et qui pourrait peut-être nous payer un flash de poésie. À l'aube de l'homme augmenté, de l'homme plus que l'homme, avec des implants dans le cerveau, des nanoparticules. À l'aube des pantins détraqués, errant sous les foudres électromagnétiques, des délires techno-totalitaires et de la défaite de la pensée contre la matière. Quelle heure sera-t-il quand on n'aura plus de corps? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ose espérer que l'âme de ce groupe, là-haut, au fin fond des infinis, dansera encore. British Connection. À nous les films sans bobine, quelle heure sera-t-il quand on n'aura plus de corps? En pointillé, il est temps de s'offrir un gramme de solitude et quelques sourires encore. Dans les couloirs de nos sans-vie, les mots qui nous manquaient, ces phrases inachevées, quelquefois elles sortaient de ses bouches, sa famille. De côte à côte, en face à face, toutes ces raisons qui nous dépassent, à trop vouloir trouver le sens, on en perd le pas de la danse. Que restera-t-il de l'homme qui mangea tout l'homme? Dans un sursis, on pourra se payer un flash de poésie en post-scriptum. Dans ces romans sans plus de mots, le son, l'image était coupée. Outre bleu terre délavé, quand sur la mer vient se coucher, les soleils a tout emporté. De côte à côte, en face à face, toutes ces raisons qui nous dépassent. À trop vouloir trouver le sens, on en perd le pas de la danse. Le livre de Jean-Philippe Gonneau, évidemment. Il y aura peut-être un film un jour sur les tétraides. Et n'oubliez pas leur date de concert le 20 novembre prochain à l'Olympia. Bonjour, pourquoi n'écoutez-vous pas British Connection? Hein? C'est qui ce freakish Bonelson? Parce que c'est l'heure où je sors mon chien. Pourquoi je n'écoute pas votre British Connection? Mais parce que le rock est une musique du diable. Parce qu'en fait, à la base, je suis allergique au pollen et aux arachides, alors vous imaginez bien que je peux pas faire n'importe quoi, hein, je dois être vigilant. Et comme de l'arachide, on en fait partout. British Connection. Et toi, c'est quoi ton excuse ? La seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock, c'est British Connection. On connaissait les plages naturistes évidemment, mais il y a aussi ce groupe, il s'appelle Svenkels, réveille le punk, j'adore. Ils seront en concert en novembre et décembre à Rennes, Bordeaux, Lyon et Aix-en-Provence. Et bien, pour avoir toutes ces dates, allez sur leurs réseaux sociaux. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine. Il s'appelle Pete Sampras. L'album Naked, c'est sorti chez Kickin' Records. Save Your Generation. Alors, pour être vraiment honnête, j'ai jamais été un grand fan de Joe Breaker, ni même de Jets to Brazil. Mais récemment, je suis retombé sur cette version des années 90. J'ai trouvé qu'il y avait une série d'accords de guitare un peu magiques. Les guitares se croisent avec la mélodie vocale. C'est facile à écouter et c'est difficile à jouer. Vous écoutez une reprise de Joe Breaker, Save Your Generation. I have a present, it is a present. You have to learn to fight it within you. If if you can learn to love it, you just might like it. You can't live without it. There's a million open windows. I'm passing these open windows. I'm passing these open windows. There is plenty to criticize. It gets so easy to narrow these eyes. But these eyes will stay wild. I will stay young, young and dumb inside. I have just begun to forget my life. If you could save yourself, you could save us all. Go on, lead it, prove us wrong. Your leap of faith could be a well-timed smile. Survival never goes out of style. I have a message. Save your generation. We're killing each other by slipping in. Begin again. Begin again. This one can be won. One can become two. Two can pick and choose. You can be the first. If you could save yourself, you could save us all. Go on, lead it, prove us wrong. Your leap of faith could be a well-timed smile. Survival never goes out of style. You have to learn to learn from your mistakes. You can afford to lose that little face. The things you break, some can be replaced. A simple rule, every day be sure you wake. If you could save yourself, you could save us all. Go on, lead it, prove us wrong. Your leap of faith could be a well-timed smile. Survival never goes out of style. Survival never goes out of style. Welcome. British Connection. British Connection. British. British Connection. Elle est blonde comme moi. Brune blonde, roule-moi. British Connection, l'émission qui te fracasse la tête. Fallait réfléchir un peu avant de vous laisser entraîner par ces truands.